Tristes. Poème d'Alfred de Musset, lu par Cécile Bellueur. J'ai perdu ma force et ma vie, et mes amis et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûtée. Et pourtant, elle est éternelle. Et ceux qui se sont passés d'elle, ici-bas ont tout ignoré. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Le seul bien qu'il me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré.